Sortez, votre émission culturelle et artistique sur la rage. Bonjour et bienvenue sur la rage 99.1 pour votre émission Sortez qui décrypte l'actualité culturelle et artistique. Aujourd'hui, nous recevons l'association ICAR sur les chemins, plateforme artistique et culturelle pluridisciplinaire dont le siège social est à Tours et qui va proposer sur Montbazon dans quelques jours un événement autour du street art. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Montbazon aujourd'hui Claire et Oscar. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Alors, merci à toi. On va passer directement au vif du sujet. Qu'est-ce que l'association ICAR sur les chemins? Parce que ce n'est pas une association du coin, elle est de Tours. C'est ça, c'est une association donc, qui est située à Tours. C'est une association socio-culturelle. Voilà, donc c'est une association qui est née d'un projet qui a été lancé par Julien Aubert. Lors d'un festival autoproduit en 2006. Et elle s'est véritablement créée en 2008. Et donc elle s'est développée autour de son projet à lui. Qui était un projet de... Qui était un projet artistique. En fait, il voulait développer son projet artistique tout en, on va dire, proposant à différents artistes de le rejoindre et de mutualiser leur performance artistique, en fait. D'accord. Voilà. Donc, dans le domaine du street art, déjà de l'art en général. D'accord. Donc, il y a vraiment tout type d'artistes et de formes d'art. D'art dedans, pardon. D'art, oui. D'art. Non, pas d'armes. D'art. Voilà. Et du coup, à partir de là, une fois que les artistes ont fusionné le temps d'une manifestation, et l'association a perduré, c'est ça? Voilà, c'est comme ça que s'est créée l'association, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement, cette association? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle se définit aujourd'hui, comme tu l'as dit, en tant que plateforme artistique et culturelle pluridisciplinaire itinérante. Donc, elle propose surtout des ateliers, différents ateliers, tant lors d'événements, dans des structures, structures médico-sociales et socio-culturelles principalement, donc maisons de retraite, centres sociaux, instituts médico-éducatifs, enfin voilà, tout type de structures. Non, en fait, ça mélange l'art au social, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et donc l'association, on l'a compris, est née et elle propose différents types d'ateliers. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'ateliers qu'elle donne, sans rentrer forcément dans ce qu'on va voir à Montbazon, plus d'autres choses pour qu'on ait une large palette de ce qui est proposé? Alors, en atelier, ils proposent des contes, de l'écriture, de théâtre, expression corporelle, du coup, graffiti, hip-hop, plein d'ateliers comme ça. Et pour quel type de public? Tout type de public. Du coup, c'est en fait des ateliers ouverts à tous et qu'ils adaptent en fonction du public, justement, en tant que professionnel. Et comment est-ce qu'on peut connaître ces ateliers? Comment est-ce qu'on peut s'y inscrire? Comment ça se passe en tant que public cette fois? Alors, en tant que public, on peut découvrir les ateliers déjà sur le site internet de l'association. D'accord. Donc www.icarsurleschemins.com. Merci. Ouais. Et puis sinon, en contactant directement l'association qui propose plusieurs plaquettes de ces ateliers pour les découvrir. Ouais. Et j'ai entendu parler d'un superbus. Et ils ont un super bus, donc la partie itinérante de l'association. Voilà, parce qu'en fait, ICAR, forcément, ça fait quand même... Il y a quand même la notion mythologique, artistique, itinérance. Et donc, du coup, cette itinérance se concrétise via ce bus. C'est ça, via ce bus, c'est un outil donc, qu'ils appellent l'e-caravane. Et donc, ça leur permet d'aller dans tout le département, de se déplacer, de faire de la culture tant dans les milieux ruraux, que dans les milieux urbains. Voilà. Et puis, ils peuvent le transformer, en fait, l'aménager en plein d'univers différents. Donc, des fois, il prend la forme d'une loge, des fois, d'exposition, d'un cinéma. Enfin, voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec cet outil-là. D'accord. Et ce superbus, il vient à Montbazon? Et ce superbus, il vient à Montbazon cool. Le 7 mai. D'accord, c'est justement la manifestation de Montbazon, on va en parler dans quelques instants. Mais avant de parler du contenu de la manifestation en lui-même, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de ce projet? Oui, donc l'origine de ce projet, c'est en fait un événement familial, un petit festival que l'association avait entre autres déjà organisé dans un contexte assez différent il y a quelques années, et puis qu'ils avaient finalement mis de côté. D'accord. Et donc moi, je suis en stage dans cette association, dans le cadre de ma formation de DUT carrière sociale. D'accord. Et quand on s'est rencontrés, donc moi, en vue de ce que j'avais déjà fait, ils m'ont parlé de ce projet-là et du fait qu'ils aimeraient bien que je réorganise ce projet. Et que tu le relances, en fait. Voilà, que je le relance et que moi, je l'adapte à ma façon. Et donc moi, je m'intéressais depuis quelques temps, enfin depuis un certain temps même, à la question de l'accès à la culture, notamment dans les milieux ruraux. Ouais. Et puis, ayant grandi à Avigné, donc dans la communauté de communes du Val de l'Indre, j'avais pu constater qu'il y avait un dynamisme culturel qui tendait à se développer, mais les organismes culturels avaient des fois un peu de mal, pas forcément de leur ressort ni de la commune, mais que c'est le contexte du territoire qui provoquait ça. Donc j'ai choisi en fait de mélanger ces deux projets-là. Bien sûr. Et donc c'est en partant de cette problématique de l'accès à la culture que j'ai choisi de proposer cet événement familial et culturel au territoire de la CCVI. D'accord. Et d'adapter cette journée de cette façon-là. Donc du coup ça passe par la compétence culturelle de la CCVI, ça passe par Nicolas Roquin. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour pas le citer. Bonjour Nicolas. bien écoute, je te propose de faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler justement du contenu de cette super manifestation qui sera proposée à Montbazon. À tout de suite. Éviter une rupture déchirante et violente. Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante. Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres. Mais aujourd'hui, faut se le dire, on est défaits l'un pour l'autre. L'amour est parti, on ne fait pas semblant. Tout n'est que nostalgie, je t'aime en noir et blanc. Plus besoin d'entendre ta voix, je dis pas ça pour provoquer. Et pourtant, au fond de moi, je veux juste te manquer. Now the curtain is down. Got my knees on the ground. I'm begging for your love. Sadness is gone. Keep on looking ahead, far away from my bed. My tears dried up on their own. But I want you to know I just want you to miss me. Just want you to miss me. So you can feel my pain. I just want you to miss me. Just want you to miss me. So I won't be. Les plaisirs se glacent et effacent-les encore. Quand tous nos face à face deviennent des tort à tort. Faut savoir arrêter, je te souhaite même du bonheur. Pas envie de pleurer, j'ai juste un chagrin d'humeur. On se fait une double peine, l'amour était en sursis. Et la sentence est ferme, j'ai pris un an avec souci. Il nous fallait un terme, l'avenir ensemble était bloqué. Mais au fond de moi quand même, je veux juste te manquer. We said goodbye for the last time. I couldn't stand the road tight. Storm is blowing in the deepest meanders of my soul. Keep on walking my way, far away from you. My heart is beating again, but I want you to know I just want you to miss me. Just want you to miss me. So you can feel my pain. I just want you to miss me. Just want you to miss me. So I won't bleed. Un drôle de sentiment. Je suis pas sûr que ce soit bien, mais je veux être un peu plus qu'un souvenir dans ton futur quotidien. En fait, j'aimerais te pincer le cœur à chaque fois que tu me revois à tes côtés. Je veux juste te manquer. Je veux juste te manquer. I just want you to miss me. Nous sommes toujours sur la rage 99.1 pour l'émission Sortez. Nous avons toujours en face de nous Claire et Oscar venu nous parler de l'association Icar sur les chemins. Puisque à Montbazon, le 7 mai prochain, au cinéma Le Générique, nous allons avoir une manifestation intitulée De l'art au street art. C'est ça. Qui est donc proposée par cette association. Je vous écoute, qu'est-ce que cette manifestation? Alors, question large. Hein. Oui, question très très large. On va être plus précis après. Ouais. Cet événement, donc, il a été proposé par l'association Icar sur les chemins en partenariat avec la CCVI. La communauté de communes du Val-de-l'Indre. C'est ça. Merci. Que l'on salue bien. Et donc, se déroulera le 7 mai prochain à Montbazon, au cinéma Le Générique plus précisément. D'accord. Donc après, que dire sur cet événement? Donc il est composé, on va dire, en deux parties. Une première partie d'atelier de 13h à 17h. D'accord. Que tu expliqueras un peu plus après, Oscar. Oui, parce qu'il n'a pas parlé, Oscar. Pour l'instant, il fait son timide. Voilà. Mais... Et puis, à 17h, on propose après au public de se réunir sur la terrasse éphémère, qui sera ouverte aussi toute l'après-midi. Avec le ludobus, donc le bus de l'association transformé en espace de jeu. Ok, bah alors voilà. Déjà on va revenir sur la première partie. Tu parlais d'atelier de 13h à 17h. Voilà. Eh bien, je me tourne vers toi, Oscar, qui est tout rouge d'un coup. qu'y a-t-il comme type d'atelier? Qu'est-ce que le public. Quel type de public d'abord, à qui sont adressés ces ateliers? Déjà, ouais, parce qu'on n'a pas parlé de quel public, donc c'est ouvert à tous. Ah bah c'est bien, c'est... Déjà, il faut le dire quand même. Ok. Donc, il y a évidemment 4 ateliers d'une heure. D'accord. Voilà. Donc le slam, d'accord. Le sound painting, l'expression corporelle et le graphe. Ok. Alors on va faire un petit point sur chacun. Donc le slam d'abord. On sait tous plus ou moins ce qu'est le slam. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le slam? Qu'est-ce que le slam Qu'est-ce que le slam et qu'est-ce que vous allez proposer pendant cet atelier? Ah ah! Je veux bien essayer d'expliquer ce qu'est le slam pour moi, mais donc le slam, musicalement quelque chose qui vient vraiment de la rue pour moi et qui est on pourrait dire un dérivé du rap, tout en ayant une rythmique complètement différente et qui permet un peu à tout le monde d'essayer d'écrire au niveau du slam, en tout cas. Oui, c'est-à-dire qu'à travers cet atelier, ça va être surtout une pratique de l'écriture. C'est ça. Puisque le slam, même si le rap est basé sur des vers, le slam a un côté un peu plus poétique, on va dire. C'est une forme de poésie, oui. Ouais, c'est donc un peu plus parlé. Ah non, c'est que je suis trop loin, je crois que Xavier voulait parler. Tu veux parler? Non, tu veux pas parler? Non. Ah bon, d'accord. Ok, bon, il veut pas parler. Oui, donc un côté poétique par rapport au rap, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une autre forme de poésie. De poésie, ouais, tout à fait. Et donc ça permet d'avoir une approche ludique de la poésie, justement, par le slam. D'accord. C'est Wani Wuldamrouche qui animera cet atelier. Alors, Wani devait être présent aujourd'hui, mais voilà. Tu peux nous dire qui est Wani, parce que c'est une figure importante d'Icar sur les chemins. C'est ça, il est donc d'abord salarié dans l'association, c'est le responsable des actions en direction du secteur socio-culturel de l'association, ouais. Il est aussi responsable de diffusion et de communication. D'accord. Ça, c'est ses fonctions vraiment dans l'association. À l'origine, il est animateur socio-culturel. D'accord. Donc, du coup, c'est Wani qui va nous proposer cet atelier de slam. Mmh, c'est ça. Donc, en fait, pratique à la fois culturelle, sportive, même, on peut dire. Oui. Parce aussi, que c'est quand même. Ça fait travailler la langue. C'est ça. Sport de la langue. Et du coup, ça va se passer comment? Chacun aura un moment pour écrire, il y aura une thématique, il y aura... Comment? Alors ça après, ça va être Wani qui va vraiment choisir la direction de son atelier. D'accord. Ça va être surtout des petits jeux oraux, on va dire, donc de diction, de travail sur la rime. D'accord. Voilà, donc en collectif plutôt. Et après, chacun aura l'occasion d'écrire quelques vers et d'essayer de le mettre en forme de slam, on va dire. Et du coup, c'est à partir de quel âge ce genre d'atelier? Parce que j'imagine que ça peut pas être à partir de 5-6 ans, quoi. À partir de 6-7 ans, 7 ans. Au moins 7 ans? Ouais, 7 ans, c'est d'accord. Bien. Mais 6 ans, on peut être adulte, quoi. Ouais, quand même. Bien sûr, c'est d'accord. Ouvert à tous. Ok, très bien. Donc ça, c'est le premier atelier. Ensuite, le deuxième, c'est l'atelier graffiti. C'est ça. Bon, graffiti, on voit beaucoup plus, mais du coup, moi, je me pose une question. Vous allez faire du graphe dans le générique? pas dans le générique. En fait, on occupe trois espaces autour du cinéma. Donc, il y a la salle de projection cinéma. D'accord. Il y a la salle qui est située sous le cinéma, la salle Pierre-Méry, c'est ça. Ouais. Et le petit parking, le parking des Marronniers, qui est situé juste en face. D'accord. On fera bien attention pour le passage, bien sûr. Ouais. Et donc, le graffiti sera situé sur le parking. D'accord. À l'extérieur, avec bien sûr des protections, des badges, un barnum, tout ça pour ne pas dégrader les lieux. Voilà. C'est bien. On va pas avoir de problème avec la municipalité. Non, c'est pas le but du tout. Du coup, l'objectif, quoi, ça, les gens vont... Ah, Oscar lève la main. Oui, Oscar, au fond, à droite. mais c'est que le graphe, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je t'en prie. Je ne graphe pas, mais je considère qu'il faut justement changer d'avis sur le graphe et ça peut permettre ça. C'est certes illégal, mais le fait de... Ah, illégal dans certains endroits. Dans certains endroits, et toléré dans d'autres et complètement accepté dans encore d'autres. Et je pense que les municipalités devraient plus y faire attention et aller chercher les graffeurs... pour leur faire faire du graphe légal. Alors après, il y a de plus en plus d'espaces dans l'espace ouvert. Public qui sont ouverts aux graffeurs. Ouais. À Tours notamment en ce moment, et puis avec la création du centre contemporain d'art contemporain, ça va aider en plus à l'ouverture de ces arts graphiques. Ouais. Et donc du coup, que va pouvoir faire le public là ? Ils vont graffer ? Donc oui, ils auront l'occasion de s'essayer à la bombe parce qu'on grave pas comme ça du jour au lendemain, mais Eh ben si, comme ça, ça vient tout seul. Je m'y suis mise moi récemment. C'est vrai. Oui. On a hâte de voir le résultat. c'est pas glorieux. Mais c'est purement elle a grimpé sur un toit pour le faire quand même. Ah oui, donc il y a quand même là. Tu vois, je te disais physique tout à l'heure, bah finalement, tu vois, c'est physique et culturel. Donc oui, ils auront l'occasion d'essayer un peu les bombes, de différentes techniques de graphe, voilà, de découvrir un peu cette pratique-là avec un graffeur, un artiste graffeur. D'accord. On a son nom ou pas encore ? Oui, Michael Chapson. D'accord. Qui est aussi salarié de l'association. D'accord, très bien. Un troisième atelier, l'atelier d'expression corporelle. Ouais. Donc, vous pouvez nous décrire ce que ça veut dire expression corporelle, parce que ça parle pas forcément à tout le monde. Alors, expression corporelle, on va dire que c'est à la frontière entre... Enfin, c'est un mélange de théâtre, de danse, voilà, de différentes pratiques comme ça, beaucoup en relation par rapport au corps, en fait. D'accord. Tout simplement. L'utilisation du corps comme langage d'expression. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Ok, merci. Bah voilà. Et pareil, ouvert à tous ? Pareil, ouvert à tous, là. Et puis là, pour le coup, même très jeune, sans souci. Oui, au contraire, ouais, à la rigueur, plus on est jeune, plus on commence ce genre d'activité jeune, c'est comme le théâtre ou la danse, plus on les commence tôt et plus il y a un impact pour plus tard dans leur vie. Le singe qui grince, c'est horrible. Oui. Et le dernier atelier, l'atelier sound painting. Alors là, pour le coup, il va falloir m'expliquer parce que... Bon, j'ai regardé, mais sound painting, je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde. Xavier parlait de sable tout à l'heure, je ne crois pas que ça soit ça. Alors, sound painting, c'est, on va dire, de la peinture du son, plutôt littéralement traduit. D'accord, donc l'usage, en gros, de quoi ? D'instruments ? De voix ? Alors, ça peut être par instrument, ça peut être par la voix, tout simplement. Donc tout le monde peut faire du sound painting, quasiment, parce que même avec des bruitages, des gestes de main, d'accord, tout ce qui est bruit. C'est une pratique qui est collective. Il y a ce qu'on appelle un sound painter, qui est en chef d'orchestre, et lui, à partir de signes précis, qu'il va, on va dire, montrer... aux personnes qui vont sound painter, donner des instructions. Ouais, des instructions, des directives pour créer une musique collective. Mais en fait, c'est une improvisation dirigée, puisque à chaque fois, il va dire, par exemple, il va faire un geste qui va dire faire un son maintenu. Donc, on peut faire le son qu'on veut. Et au fur et à mesure, ça va créer une musique collective à un tel groupe. Voilà, je sais pas comment. Oui, en fait, c'est d'accord, c'est l'usage de la voix via la direction d'une tierce personne, et devant un public. Oui ou non. Ça peut être devant un public. Il y aura tellement de monde qu'il y aura un public, c'est évident. C'est ça. C'est évident. Et du coup, en plus, il y a des associations pour ça. Hein. C'est quelque chose qui vient des États-Unis. Je crois que ça date des années 70. Je crois que c'est ça, mais oui, ça doit être ça. Et du coup, il y a même une association assez connue dans le domaine à Tours qui s'appelle le Tours Sound Painting Orchestra. C'est ça, bah, l'intervenante fait partie de cette organisation. C'est magnifique, quelle transition. Incroyable, ah, là, ça. Le talent. D'accord, donc du coup, ça fait 4 ateliers entre 13 et 17 heures. C'est ça, une heure par atelier. Et voilà. On peut participer aux 4. Ouais, on peut participer aux 4, après il faut être là les 4 heures d'atelier, puisque en fait on voulait mettre des ateliers d'une heure pour que les gens puissent véritablement profiter d'une initiation. Oui, c'est une initiation, voilà. Ni plus ni moins, d'accord. C'est ça, c'est une initiation, ouais. Très bien, et le coût, on se pose la question, combien ça coûte? Alors, ça coûte 5 euros. Par atelier? Non, 5 euros pour toute la journée, c'est-à-dire en gros... 1 euro par atelier, plus 1 euro symbolique pour la terrasse, l'apérographe. Puisqu'à partir de 17h, voilà. Alors toute l'après-midi, il y a là, cette terrasse éphémère, mais à partir de 17h, eh bien, il y a d'autres activités qui vont se mettre en place. C'est ça. Alors, tu vas nous expliquer. Voilà. tout l'après-midi, il y aura donc la terrasse éphémère qui sera installée, ouverte sur le parking des Marronniers, en face du cinéma. D'accord. Et puis à partir de 17h, donc ça va être un espace qui va être vraiment aménagé là pour que les gens puissent échanger et partager un moment convivial. Et avec aussi à 18h un apéro gourmand. Oh. Et, ah bah oui, quand même. Bah oui. Donc avec des amuse-bouches, un cocktail sans alcool. C'est gentil. Oui. Voilà. Bah oui, parce que 7 ans, ça fait un peu jeune. Voilà, c'est ça. Et puis, devant une performance graphe faite par Michael Chapson, qui anime l'atelier graphe. D'accord. Donc du coup, on aura un vrai graphe, pour le coup, qui sera fait pendant ces 2 heures, en fait. Non, pas pendant ces 2 heures, pendant à peu près 1 heure à 18h. D'accord. Voilà. Mais à partir de 17h, la terrasse sera vraiment un lieu d'échange, ouais, de rencontre. Non, mais c'est chouette. C'est-à-dire qu'il y a non seulement ce genre d'activité permet de dynamiser, enfin, il y a un dynamisme culturel. Voilà. Et puis en plus, ça permet de faire voir aux habitants du Val de l'Indre, qui ne sont pas une population urbaine, faut le dire, donc qui n'ont pas forcément connaissance de tous ces arts viennent de la culture urbaine, justement de leur faire voir que le graphe, comme on parlait tout à l'heure, le graphe n'est pas forcément, c'est pas forcément un truc de vandale où il va y avoir écrit. C'est pas forcément que je ne sais pas quoi, je vais dire sur un mur. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout, ça peut être un art et comme les 4 ateliers que vous allez proposer. Ouais. Donc autour d'artistes confirmés qui vont tous partie de cette association, mais qui sont avant tout des artistes confirmés quand même. C'est ça. Et donc à partir de quel âge, je vois la question à partir de quel âge, mais je sais déjà la réponse, à partir de 7 ans et jusqu'à 77 ans. Oui, même un peu plus jeune, après simplement plus jeune, il n'y aura pas accès à tous les ateliers parce que voilà, ce ne sera pas adapté, on va dire, ouvert à tous. Voilà. Et tout ça est encadré par des bénévoles. C'est ça. Des bénévoles dont vous êtes encore il y a encore quelques places disponibles voulez venir encadrer, aider à cette manifestation. On est encore en recherche de quelques bénévoles, oui, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça, donc soit par mail, donc icar sur les chemins @hotmail.fr ou au 06 10 21 59 72. D'accord. Et est-ce qu'il y a besoin de réserver pour tous ces ateliers et pour toute cette journée? Alors, il y a une possibilité de réservation. Voilà, d'accord. Si vous souhaitez, pareil, au même numéro de téléphone. Mm-hmm. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir sur place sans souci. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, on y sera. Hein. Oh, on y sera, Xavier. Bien sûr, c'est sûr. Toi, je sens que le sound painting, toi. Ça me parle. Non, mais oui. Non, mais. C'est... Puis moi, je ferai du slam. Alors ça va être beau. Tu m'étonnes. Merci à tous les deux. Donc je vous rappelle que cette manifestation organisée par Icar sur les chemins de l'art au street art a lieu à Montbazon le 7 mai. Merci. Le 7 mai 2016. Tu voyais que j'étais perdu quand même dans mes notes. Le samedi 7 mai 2016 au cinéma Le Générique à Montbazon. C'est un samedi donc. Ouais. Le Générique à Montbazon. Bon, tout le monde voit. Hein. De toute façon, ceux qui ne voient pas, vous arrivez sur Montbazon. C'est ça. Au feu, quand vous êtes en direction de Vigny, vous tournez à droite et c'est quasiment là. Voilà. Vous y serez. Début des ateliers dès 13h. Une heure par atelier, je rappelle, atelier slam, atelier graffiti, expression corporelle, sound painting et à partir de 17h, terrasse éphémère avec Ludobus. Qui sont disponibles, ouverts aussi tout l'après-midi. Hein. Ludobus aussi, pareil. Super. Et goûter et apéro gourmand sur place, le tout pour 5 euros. Voilà. Que demande le peuple? Parfait. Bah, que le monde de peuple, il demande de chanter et de faire du, exactement, de faire du sound painting. Ok. Merci à tous les deux pour votre. Merci Oscar surtout. Je pense. Que... je sais. Je non, non, mais c'est toi. Tu as illuminé ce studio par ta présence et par tes explications. Et puis merci à toi Fabrice de nous avoir accueillis. Merci à Xavier. On a parlé au début. Merci Xavier. C'est gentil. Auto-congratulons-nous. Merci. Et à très bientôt pour des nouvelles découvertes culturelles et artistiques. À bientôt. Salut.